L'exposition nationale des tableaux de paysages et d'objets d'art consacrée au 99e anniversaire de naissance de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, est ouverte le 19 décembre à la Maison de la Culture Internationale de Pyongyang. On y voit plus de 140 ouvrages comme la peinture coréenne, la peinture à l'huile, la broderie et les produits d'artisanat de tous les coins du pays.